cœur de la bataille. Les corps se mélangeaient, les armes fendaient les airs, les griffes, les crocs déchiraient la chair. Certains hurlaient de douleur, d'autres de rage. Squeak, tout va bien? Je suis toujours sur ton dos, Berthold. Ra se jeta sur nous. J'ai tout juste le temps de lancer mon arme. La lance le bloqua net, plantée dans son torse. Gueule béante, il observait le bout de bois qui restait figé dans sa chair. S'écroula, inerte, sur la terre molle de la clairière. Le temps se couvre. Je crains qu'il ne pleuve. C'est ma dernière des préoccupations, Berthold. J'ai plus de lance. Reste sur mon dos, j'avance. De sa patte droite, il rejeta un rat. De sa patte gauche, il en griffa un autre. Les écureuils donnaient leur vie sur cette terre pour défendre Eyal. Un blaireau fendait la foule vers nous, enragé, croquant écureuil après écureuil. Berthold ! Je crois que là, ça dépasse mes compétences. Il s'approchait de Noé. Une dizaine de jets d'acide formique lui touchèrent les yeux. Le blaireau hurla, aveugle, avant de tomber sur le sol, sonné par la douleur. Les fourmis attaquaient. Les fourmis nous venaient en aide. Elle tente de nous encercler. Pas cool, hein, seigneur? Pas cool du tout. Ils veulent nous piéger. Ils sont en train de nous piéger. Eh oui, si les fourmis restent à bonne distance, aucun rat ne peut les attaquer. Et avec leur acide, ben, bonjour les dégâts. Gratis, ras gratis. Toujours. Et ça, j'ai l'impression qu'ils l'oublient. Oh, gratis. D'accord. Fonce vers ta victoire ou ta défaite. Moi, je me casse discrètement. J'ai pas envie d'y laisser mes poils, moi. Bah, Fouiche. Et il est toujours derrière nous? Plus que jamais. Attention aux branches! Quoi, les branches? Bouze, qui c'est qui m'a dit? Dans la forêt? Va dans la forêt! C'est moi! Mais même pour échapper au hibou, je crois pas trop que ce soit une bonne idée, tu vois! Accroche-toi bien! C'est ce que j'essaye de faire, mais tu voles trop vite! D'accord. Tu veux que je vole plus lentement, plus tranquillement, comme un vol de croisière, quoi? Et on finit dans la gueule de Pierre Jean-Grégoire! Oh, il y a un moineau qui nous vient en aide! Il pique sur lui! Mais non! Faut pas qu'il... Oh merde! Quoi? Pierre Jean-Grégoire sait bien se défendre, je crois. Il vient de tomber! Le hibou l'a descendu! Oh, ça va vraiment se jouer entre Pierre Jean-Grégoire et nous, alors? Allez, tiens le coup, Bouze. Tu vas voir pourquoi ton pote Bender est vraiment un Top Gun! Tom Cruise, prie pour nous! Écartez-vous! Il fendait de l'air ses griffes, avançant sur ses pattes arrière, dominant la foule de toute sa grandeur. Ratis. Berthold, Ratis arrive sur nous. Ratis, très bien. Tiens-toi bien, je vais peut-être devoir me dresser sur mes pattes arrière. Berthold, je crois pas que ce soit une très bonne idée. C'est Ratis, Ratis et... Ratis ou pas Ratis, ça reste un rat. Squeak! Il nous avait vus, il avançait, taillant les corps de ses griffes, mordant à mort les inconscients qui se jetaient sur lui. Il avançait jusqu'à nous. Berthold se mit aussitôt debout, prêt à se défendre. Mais... Ratis lui asséna un violent coup de griffe sur la gueule. Je ne pus me tenir accroché. Je fus projeté dans les airs pour retomber à deux pas de là, au pied d'autres combattants. J'ai relevé la tête, lentement, légèrement sonné. Berthold se tenait toujours debout, une partie du visage ensanglantée. Ratis levait une patte au ciel, ses griffes brillantes à la lumière du soleil, comme un éclat mortel. Il abattit son bras. La tête de Berthold se détacha de son corps et vint rouler jusqu'à moi. Ratis l'avait décapité. D'un coup rapide, net, tranchant. La tête de Berthold roula jusqu'entre mes jambes, une expression étonnée, figée à jamais. Squeak! Quiconque se met en travers de ma route, perd la tête. Les rats proches de la scène furent pris d'une violente frénésie. Bavant, éructant, grognant, ils tranchaient les corps, mordaient les chairs, reprenaient le dessus. En bordure de la clairière. Notre armée recule. Elle recule. Alors, Mila, maintenant, me permets-tu de te retirer ma confiance? Ce n'est pas possible, ça ne devait pas se passer comme ça. Fais sonner la retraite, il y a assez de morts comme ça. Fais sonner la retraite, Mila. Ça ne devait pas se passer comme ça. Nous devons gagner, c'est notre seule chance. Nous n'avons pas d'autre chance. Bah,